Le pèlerinage d'adieu. Avec l'achèvement de l'œuvre prédicationnelle, la transmission du message et l'établissement d'une nouvelle société sur la base de la confirmation de l'unicité d'Allah et de l'apostolat de Muhammad alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam pressentait l'imminence de la fin de son séjour terrestre. Ceci apparut d'ailleurs de façon explicite dans les paroles qu'il adressa à Mu'adh lorsqu'il le dépêcha au Yémen au cours de la 10e année de l'Hégire. « Ô Mu'adh, il se peut que tu ne me revoies plus. Peut-être que tu passeras auprès de ma mosquée où aura été creusée ma tombe. » En entendant ces paroles, Mu'adh pleura, craignant de quitter définitivement l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah, de par sa volonté, permit à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de constater les fruits de sa prédication pour laquelle il avait tant souffert pendant plus de 20 ans. Il put, à l'occasion de son pèlerinage ultime, rencontrer les représentants des tribus arabes afin qu'ils apprennent de lui les règles de la religion et que de son côté il puisse les prendre à témoin au sujet de la restitution du dépôt et de la transmission du message. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, exprima son intention d'aller en pèlerinage à la maison d'Allah. À cette annonce, des foules de gens vinrent à Médine pour le suivre et le prendre pour modèle dans l'accomplissement des rites du pèlerinage. Il entama ses préparatifs pour le voyage un samedi, 4 jours avant la fin du mois de Dhul-Qi'dah. Il peigna ses cheveux, se parfuma, mit un izar et un rida. Il mit des guirlandes au cou des animaux qu'il allait sacrifier à la Mecque. Il quitta Médine dans l'après-midi. Arrivant à Dhul-Hulayfa avant l'heure de la prière de l'après-midi, il accomplit 2 unités de prière et y passa la nuit. Le lendemain matin, il dit à ses compagnons « Cette nuit, quelqu'un est venu me trouver de la part de mon Seigneur et m'a dit « Fais la prière dans cette vallée bénie » et dit « J'accomplis la Omra combinée au pèlerinage. » Avant d'effectuer la prière de midi, il se leva pour entrer en état d'Ihram et Aïcha le parfuma. Il revêtit son izar et son rida, puis accomplit la prière de midi, 2 unités de prière au lieu de 4, car étant en voyage. Il exprima ensuite son intention de faire la Omra associée au Hajj. Lorsqu'il monta sur sa chamelle Al-Qaswa, il fit la Talbiya et la prononça de nouveau lorsqu'il s'avança dans le désert. Le prophète alayhi salatu wassalam poursuivit sa route jusqu'à ce qu'il parvint à Zitoua, près de la Mecque où il passa la nuit. Le lendemain, il se leva après la prière de l'aube et entra dans la Mecque. C'était un dimanche matin, le 4e jour du mois de Dhul-Hijja de la 10e année de l'Hégire. Son voyage avait donc duré 8 jours, ce qui équivalait à la durée moyenne nécessaire à un tel itinéraire. Dès qu'il pénétra dans la mosquée sacrée, il accomplit les tournées rituelles autour de la Kaaba et la course entre As-Safa et Al-Marwa. Il ne quitta pas l'état d'Ihram car il avait exprimé l'intention de combiner Umra et Hajj et avait amené un animal pour le sacrifice. Il établit son campement dans un endroit élevé de la Mecque appelé Al-Hajjoun. Quant aux tournées rituelles, il n'effectua que celle du Hajj. Ceux parmi ses compagnons qui n'avaient aucun animal de sacrifice reçurent la consigne de transformer leur pèlerinage en Umra, de faire les tours autour de la Kaaba et la course entre As-Safa et Al-Marwa et de quitter ensuite l'Ihram. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam hésitèrent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam leur dit alors « Si j'avais à le refaire, je n'amènerais pas d'animal pour le sacrifice. Et si je n'avais pas amené d'animal pour le sacrifice, j'aurais fait exactement ce que je vous ai dit de faire. » Les gens obéirent alors à ses ordres. Le 8e jour du mois de Dhul-Hijja, c'est-à-dire le jour de la Tarwiyya, de l'abreuvement, le prophète alayhi salatu wassalam partit pour Mina, où il demeura jusqu'à ce que le soleil du jour suivant se leva. Et ensuite, il partit pour Arafat, où on lui avait dressé une tente à Namira. Il y resta jusqu'à l'après-midi. Il ordonna alors qu'on lui prépare sa chamelle Al-Qaswa, et l'enfourchant, il descendit vers la vallée où 124 000, ou selon une autre version, 144 000 musulmans s'étaient rassemblés. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, prononça alors le discours suivant. « Ô gens, écoutez-moi. Je ne sais pas si je vous rencontrerai en ce lieu une nouvelle fois après cette année-ci. Vos vies et vos biens sont aussi sacrés que ce jour, ce mois et cette cité. Toutes les pratiques du temps de l'ignorance sont désormais abolies. L'esprit de vengeance du temps de l'ignorance est aboli. Et la première vengeance que j'interdis est celle du sang d'Ibn Rabi'a ibn al-Harith, allaité par une nourrice de la tribu de Sa'd et que les Hudayl ont tué. La pratique de l'intérêt vous est interdite. Et pour commencer, j'annule l'intérêt d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ô gens, craignez Allah concernant les femmes, car vous les avez prises comme épouses et elles vous sont devenues licites grâce à la parole d'Allah. Vous avez le droit d'exiger d'elles de ne pas permettre à qui vous n'aimez pas de franchir votre demeure. Sinon, vous avez autorité pour les châtier, quoique avec modération. Vous devez assurer leur subsistance et leur habillement selon la bonne coutume. J'ai laissé parmi vous le livre d'Allah. Si vous y restez fermement attachés, jamais vous ne vous égarerez. Ô gens, aucun prophète ne viendra après moi et aucune communauté ne vous succédera. Aussi, adorez votre Seigneur, acquittez-vous des 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan, prélevez la zakat sur vos biens de votre plein gré. Accomplissez le pèlerinage à la maison de votre Seigneur, obéissez aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Si vous faites cela, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Au jour de la résurrection, on vous interrogera sur moi. Que direz-vous ? Ils répondirent : Nous témoignons que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission et que tu as conseillé la communauté. Et levant son index vers le ciel et le pointant ensuite en direction de la foule, il dit : Ô mon Dieu, sois témoin. Il prononça cette phrase à 3 reprises. Ce fut Rabi'a ibn Umayya ibn Khalaf qui se chargea de répéter d'une voix forte les paroles du sermon du prophète alayhi salatu wassalam. À peine le messager d'Allah alayhi salatu wassalam eut-il achevé son discours que le verset suivant lui fut révélé. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3, selon le sens du verset. Après le sermon, Bilal effectua l'appel à la prière ainsi que l'iqama. Le prophète alayhi salatu wassalam dirigea alors successivement les prières de midi et de l'après-midi sans accomplir aucune prière facultative entre elles. Ensuite, il remonta sur sa chamelle al-Qaswa, s'approcha du sommet du mont de Arafah et là, il demeura jusqu'au coucher du soleil, le visage tourné en direction de la Qibla. Ensuite, après le coucher du soleil, il prit Oussama en croupe et se dirigea vers Muzdalifa, où il effectua les prières du coucher du soleil et de la nuit avec un seul appel à la prière et 2 iqama. Il ne fit aucune invocation entre les 2 prières. Puis il s'allongea jusqu'à l'aube et accomplit alors la prière du Fajr. Puis il reprit son chemin sur sa chamelle pour se rendre à Al-Mash'ar al-Haram. Là, se tournant vers la Qibla, il invoqua Allah, proclama sa grandeur et prononça la formule du Tawhid. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il resta à cet endroit à invoquer jusqu'au lever de l'aurore. Avant que le soleil ne soit haut dans le ciel, il fit route vers Mina. Il prit en croupe Al-Fadl ibn al-Abbas et prit la direction de la grande stèle Al-Jamra al-Kubra, ou selon une autre version, la stèle d'Al-Aqaba devant laquelle il s'arrêta. Il la lapida de 7 cailloux pris dans le fond de la vallée en disant à chaque jet « Allah est le plus grand ». Ensuite, il se rendit sur le lieu des sacrifices où il égorgea lui-même 63 chameaux et demanda à Ali d'égorger les autres, 37. Au total furent sacrifiés ce jour-là 100 chameaux. De chaque bête, on préleva un morceau. Le tout servit à préparer un mets dont le prophète alayhi salatu wassalam et Ali mangèrent une partie. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déferla vers la maison sacrée, monté sur sa chamelle, où il accomplit la prière de midi et partit à la rencontre des Banu Abd al-Muttalib qui distribuaient de l'eau du puits de Zamzam aux pèlerins. Remontez de l'eau, ô fils de Abd al-Muttalib. N'eût été la crainte de voir les gens s'approprier cet honneur après moi, je tirerai de l'eau à vos côtés. Ils lui tendirent un récipient rempli de cette eau et il en but. Durant la journée du 10 du mois de Dhul-Hijja, c'est-à-dire le jour du sacrifice, le prophète alayhi salatu wassalam prononça un autre discours. La matinée était alors bien avancée et il était monté sur une mule grise. Ali répéta à haute voix à l'attention des gens les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répéta en cette occasion certains conseils qu'il avait énoncés le jour précédent. Al-Bukhari et Muslim ont mentionné une version de cet événement transmise par Abu Bakra. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a adressé le jour du sacrifice les paroles suivantes. Le temps s'est écoulé de façon uniforme depuis l'époque où Allah a créé les cieux et la terre. Ainsi, une année comporte toujours 12 mois, dont 4 sont des mois sacrés. 3 d'entre eux se suivent, ce sont Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram. Le dernier de ces 4 mois est Rajab et il s'intercale entre Jumada et Sha'ban. « En quel mois sommes-nous » demanda-t-il. Nous lui répondîmes « Allah et son messager le savent plus que quiconque ». Il garda le silence pendant quelques instants et nous avons pensé qu'il allait lui attribuer un nom différent. « N'est-ce pas Dhul-Hijja » dit-il. Nous répondîmes « Oui ». Puis il demanda « Et comment s'appelle cette cité ?» Nous dîmes « Allah et son messager savent plus que quiconque. » Il resta silencieux un moment, si bien que nous crûmes qu'il allait lui donner un nom différent. « N'est-ce pas le pays sacré ? » ajouta-t-il. « Oui, avons-nous répondu. » Puis il reprit « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Nous dîmes « Allah et son messager savent mieux que quiconque. » Après quelques instants de silence, il dit « N'est-ce pas le jour du sacrifice ?» Nous répondîmes « Oui ». Il dit alors « Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour-ci, en ce pays-ci, dans ce mois-ci. Vous rencontrerez votre Seigneur qui vous demandera compte de vos actes. Ne redevenez pas après moi des égarés, les uns frappant le cou des autres. » Vous ai-je bien transmis le message ?« Oui, » dirent les gens. « Ô mon Dieu, sois témoin, et que celui qui est présent transmette ses paroles à celui qui est absent. Celui à qui on transmettra le message, il sera peut-être plus attentif que celui qui l'entend. » Selon une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé dans ce même discours les paroles suivantes. « Celui qui agit avec injustice ne le fait que contre lui-même. Le père ne porte pas préjudice à son fils, non plus le fils ne porte préjudice contre son père. Satan a perdu tout espoir d'être adoré dans ce pays qui est le vôtre, toutefois, vous lui obéirez par vos mauvais actes et il en sera ravi. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passa les jours d'At-Tashriq à Mina, et accomplissant les rites prescrits par l'islam, observant le rappel d'Allah, établissant les règles de la guidée selon la voie d'Ibrahim, alayhi salatu wa sallam, et effaçant les traces de polythéisme. À cette occasion, il prononça également des sermons. Abu Daoud a rapporté, d'après Sarra bint Nabhan, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononça un discours au cours du jour des têtes dans lequel il dit « Ce jour-ci, n'est-il pas le jour du milieu des jours de Tashriq ?» Son discours ce jour-là fut semblable à celui du jour du sacrifice. Il le fit à la suite de la révélation de la sourate 110, An-Nasr. Le 13e jour du mois de Dhul-Hijja, le prophète alayhi salatu wassalam quitta Mina et alla s'installer en un lieu élevé à flanc de montagne chez les Banu Kinana. Il passa à cet endroit le restant de la journée et la nuit qui suivit. Il conduisit les prières de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et de la nuit. Puis il dormit un court moment avant de se rendre à la Kaaba montée sur sa chamelle pour accomplir les tournées rituelles d'adieu, tawaf ul wadaa. Une fois les rites du pèlerinage achevés, il se hâta de repartir pour Médine, et ce, non pour se reposer, mais au contraire pour reprendre la lutte dans le sentier d'Allah.